Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, un nouvel extrait de l'album Rendez-vous in Angel City de Little Bob, paru en 2005, avec cette fois-ci la reprise d'une chanson des Small Faces. Vous savez, ce groupe anglais très mods, un peu comme les Who, mais pas du tout dans le même style. C'est le titre Whatcha Gonna Do About It, les Small Faces repris par Little Bob. I want you to hold me tight. I want you to come. You know that I told you. Let me walk you home at night. What you gonna do? Yeah, it? Yeah. What you gonna do? You drive me crazy. What you gonna do? Oh, baby. What you gonna do? Oh, yeah. Reste dans le nord-ouest de la France avec Skiffle Rendez-vous, groupe défunt de Stéphane Dambry, qui en 2014 a publié un album dont je vous ai régulièrement parlé, Bright Side of the Road. Et ce nouvel extrait est une reprise de Bob Dylan, Girl from the North Country. Skiffle Rendez-vous. Mister, if you're traveling to the North Country Fair, where the winds lie heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. If you're going where the snowflakes don't, where the rivers freeze and summer ends, for me, she's a cold, so warm. To keep her from the howling see for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. Red Beans and Pepper Sauce, en 2021, publie un album enregistré pendant le confinement. Ça s'appelle Songs from the Past, volume 4, je crois. Je ne connaissais pas ceux d'avant. Et la pochette, d'ailleurs, c'est une cassette. Donc, ça nous ramène aux années 60-70. Et c'est un album de reprise. Hein. Et donc, aujourd'hui, je vous en propose deux. Tout d'abord, Led Zeppelin, lors de leur volume numéro 4 en 1971, Rock and Roll, par Red Beans and Pepper Sauce. Thank you. toujours en compagnie de Red Beans and Pepper Sauce. Voici maintenant la reprise de Cream, album d'Israeli Gears en 1967, le fameux Sunshine of Your Love. 1977 s'abat sur la terre entière, sur le monde, sur l'univers, la folie de la fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever avec les Bee Gees. Et oui, mesdames, messieurs, le nouveau groupe de Flo Bauer s'attaque à Staying Alive des Bee Gees. Circle of Mud, c'est le nom de son nouveau groupe, vient de publier son premier CD fin 2021. Et parmi la dizaine de titres, il y a donc cette reprise des Bee Gees, Circle of Mud. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, warm and warm, I've been kicked around since I was born. Now it's alright, it's okay, you may look the other way. We can try to understand New York Times' effect on me. Whether you're brother, whether you're mother, you're staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, staying alive. Oh, staying alive. Oh, staying alive. Oh, oh, c'était l'émission Blues Covers.